La famille Halliburton par Mrs. Henry Wood. Tome 1er, chapitre 1er, La fille du pasteur. Dans un des districts les plus populeux de Londres, on voyait, il y a bien des années, une vieille petite église dont les portes étaient ouvertes par une froide et brumeuse soirée de décembre et d'où s'échappait une faible clarté. Voici ce qui se passait à l'intérieur de cette église. Un donateur généreux avait, par son testament, légué une certaine somme pour que, chaque semaine, 20 pains fussent distribués à 20 pauvres veuves choisies par le ministre. Certaines conditions assez curieuses étaient attachées à ce legs. Le pain devait dater au moins de 2 jours et être déposé dans l'église 24 heures avant la distribution. Chaque veuve devait venir le recevoir en personne, sinon, quelle que fût la cause de son absence, elle perdait sa part, que le ministre donnait à la veuve étrangère, qu'il en jugeait le plus digne. 4 fois par an, on ajoutait 1 shilling au pain. Pour nous, à l'aise dans nos maisons abondantes où rien ne nous manque, l'aumône d'un pain nous paraît bien peu de chose. Mais pour beaucoup de familles qui travaillent et souffrent, un morceau de pain est souvent le pivot autour duquel tourne l'existence. Aussi n'y a-t-il rien de surprenant à ce qu'une foule de pauvres veuves entourasse l'église le jour de la distribution, chacune espérant que l'une des 20 privilégiées viendrait à manquer et que le bedeau l'inviterait en être l'heureuse remplaçante. La cérémonie avait lieu le jeudi après-midi et au moment où commence notre récit, le pasteur se frayait un passage au travers d'une foule considérable. C'était le jour de la distribution des shillings. Il connaissait personnellement chacune de ces femmes, il les appelait toutes par leur nom, car le révérend Francis Tate était un ministre zélé et les pasteurs tels que lui étaient plus rares que de nos jours. Né en Écosse, mais élevé en Angleterre, Francis Tate, ses études achevées, était devenu pasteur d'une paroisse de Londres où le travail était pénible et le revenu minime, non pas que les devoirs de l'église elle-même fussent difficiles, mais le district était pauvre et populeux. Durant 20 années, il y était resté, travaillant patiemment, espérant toujours. 20 années. Le mot est vite prononcé, mais dans la vie, ce chiffre est bien long. Et Francis Tate, malgré son courage, le trouvait parfois aussi. La promotion arriva enfin. Le bénéfice de la petite église devant laquelle nous nous sommes arrêtés lui fut accordé. Ce poste, quoique inférieur, relativement à beaucoup d'autres, lui parut la richesse. Il se maria, et 20 nouvelles années s'écoulèrent encore. Le soir où nous faisons sa connaissance, les 20 pains étaient disposés sur un rayon au-dessus de la porte de la sacristie. Une chandelle éclairait la petite table qui le séparait des pauvres veuves. Monsieur Tate était à cette époque un homme d'environ 65 ans, à la taille moyenne, au teint pâle, à la physionomie intelligente, aux yeux gris pensifs. Il y avait un mot amical, une question pour chacune des récipiendaires à mesure qu'il lui mettait dans la main le shilling et que le vieux clerc boiteux lui tendait le pain. « Êtes-vous tout ici, ce soir ? » demanda-t-il au milieu de la distribution. « Non, monsieur, » répondirent plusieurs voix à la fois. « Betty King n'y est pas. Qu'a-t-elle donc ?»« Un rhumatisme, monsieur. Elle ne pouvait pas venir. » Elle est dans son lit. J'irai la voir, dit-il. Comment ? Vous voilà, Marthe ? Continua-t-il, en voyant s'avancer une vieille petite bossue qui s'était tenue cachée derrière les autres. Je suis bien aise de vous voir. 6 semaines aujourd'hui que je n'ai pas pu venir, dit la vieille, mais je suis beaucoup mieux maintenant. La distribution touchait à sa fin quand le pasteur dit au bedeau : Appelez Lisa Turner. Le bedeau posa sur la table les 4 ou 5 pains qui restaient et alla à la porte. Elisa Turner, monsieur le pasteur, vous appelle. Un soupir de joie d'Elisa Turner et un gémissement de désappointement des femmes qui l'entouraient accueillirent le bedeau qui rentra sans avoir l'air d'y prendre garde. Elisa Turner le suivit et une autre femme, à la figure pâle et maladive, se glissa derrière elle. Allons, veuve Bout, s'écria le bedeau en l'apercevant, que venez-vous faire ici? Vous savez bien que c'est contre la règle. Il faut que je voie monsieur le ministre, murmura la pauvre femme en s'avançant et arrivant près du pasteur. « Je suis bien plus misérable que la veuve Turner, » dit-elle plaintivement. « Elle a une fille en service qui peut l'aider, tandis que moi, j'ai ma malheureuse enfant qui a de la fièvre et qui meurt de faim. Oh, monsieur, ne pourriez-vous pas me donner cette fois le pain de reste? Je n'ai rien pris d'aujourd'hui que quelques miettes de pain et un peu de thé qu'un voisin m'a donné par charité. » Le pasteur profitait d'une scène de reproche et de désordre. C'était fait une loi de ne jamais accorder l'aumône à celle qui la demandait personnellement. Il tendit le pain et l'argent à Eliza Turner, et quand elle fut sortie, il se tourna vers la veuve Bout, qui sanglotait contre le mur, et lui dit amicalement « Vous n'auriez pas dû entrer, madame Bout, vous savez bien que je ne le permets pas. Mais je meurs de faim, monsieur. Je pensais que vous pourriez partager le pain et l'argent entre la veuve Turner et moi. Je n'en ai pas le droit. Comment se fait-il que vous soyez dans un pareil dénuement cette semaine? N'avez-vous plus d'ouvrage ?»« Je ne pouvais pas travailler, monsieur. J'ai ma pauvre fille à soigner, et de plus je me suis fait mal au pouce. Il me restait 15 sous l'autre jour, mais hier soir, je n'avais plus 1 centime. « J'irai vous voir tout à l'heure, » dit le pasteur. Elle leva les yeux. « Oh, monsieur, si vous voulez me donner de quoi acheter quelque chose, ne fût-ce qu'un petit pain. Madame Bout, vous savez bien que ce serait contre mon devoir de rien vous donner ici. » Répondit-il avec fermeté. « Je ne suis pas content que vous me fassiez cette demande. Allez-vous-en. Je vous ai dit que j'irai tout à l'heure chez vous. » La veuve sortit, toutes les femmes l'entourèrent à la hâte, aucune n'était partie, toutes elles voulaient savoir s'il avait reçu quelque chose. Une réponse affirmative eut envoyé tout le troupeau près du pasteur. La veuve branla la tête. « Non, non, je le savais bien à l'avance. Il dit qu'il reviendra me voir tout à l'heure. » Les femmes se dispersèrent. Le pasteur souffla la lumière, sortit avec le bedeau et ferma l'église. M. Tate se chargea des clés. Autrefois, le bedeau les lui apportait, mais depuis qu'il était vieux et boiteux, M. Tate lui en épargnait la peine. La soirée était belle, mais les rues étaient boueuses et le pasteur posait souvent le pied au beau milieu d'une flaque épaisse. La route n'était que faiblement éclairée. Sa maison touchait à un square aristocratique. L'extérieur en était élégant et s'accordait mal avec ses revenus si minimes. Un quart d'heure de marche le séparait de l'église. Le suffragant d'une paroisse voisine, M. Acton, avait jusqu'alors habité avec la famille Tate, dont il partageait la table. Sans cette aide, ils auraient eu peine à conserver leur servante, car les frais de l'éducation des enfants emportaient une grande partie de leurs revenus. Mais M. Acton venait de les quitter, et il cherchait à le remplacer. Ce soir-là, pendant que M. Tate revenait sur la route boueuse, le petit salon de son habitation, tout prêt à le recevoir, avait un air confortable et gai. Il était situé au rez-de-chaussée, les fenêtres donnaient sur la rue, un feu brillant l'éclairait. Deux bougies attendaient, posées derrière le plateau à thé, l'arrivée du maître de la maison, mais la clarté du feu suffisait seule à égayer la chambre. Une jeune fille dansait sans bruit autour de la salle. Ses mouvements étaient vifs et légers, et l'air qu'elle chantait s'entendait à peine. Elle était de taille moyenne, gracieuse sans être jolie. Sa figure ouverte et candide avait la même expression et les mêmes yeux gris que celle de M. Tate. Elle avait 19 ans, mais ses manières la faisaient paraître plus jeune. Elle portait une robe de soie violette qui, en plein jour, eût paru bien vieille et bien usée, mais qui le soir avait encore fort bonne façon. Le bruit du passe-partout arrêta la danseuse. Elle savait qui rentrait. Le maître de la maison seul possédait une clé. Elle alluma les bougies. M. Tate entra sans ôter ni son chapeau ni son manteau. « As-tu fait le thé, Jane ?»« Non, papa, il n'est que 5 heures. »« Alors je ressortirai tout de suite. » J'ai une ou deux femmes à aller voir. Ainsi, je ne me mouillerai qu'une fois. Mes pieds sont déjà tout humides. Il regarda ses souliers à boucles et ses guêtres noires. Tu me feras chauffer mes pantoufles, Jane. Mais, s'arrêtant brusquement, cela ennuiera-t-il ta maman d'attendre? Maman a pris sa tasse de thé il y a 1/2 heure, répondit Jane. Elle m'a dit que si elle pouvait dormir un moment, elle se sentirait assez bien pour descendre. Le thé sera prêt quand tu voudras, papa. Il n'y a que Francis et moi à la maison. Et nous attendons jusqu'à 10 heures, si tu veux. Alors je vais repartir. Non, mademoiselle Jane, vous n'attendrez pas jusqu'à 10 heures, mais jusqu'à 6. Betty King est malade, et il faut que je rentre chez la veuve Bout. Papa, cria Jane, j'ai oublié de te dire que Francis connaît un monsieur qui aimerait bien prendre la place de M. Acton. Et qui est-ce? Un des professeurs du collège. Du reste, voici Francis qui descend. C'est notre nouveau maître de mathématiques, papa, s'écria Francis Tate, jeune homme de 18 ans, et qui se destinait au ministère. Je l'ai entendu demander au docteur Percy s'il connaissait une famille respectable qui consentit à admettre un pensionnaire. Aussi j'ai dit que peut-être vous le recevriez. Il doit venir te voir. M. Tate réfléchit. Crois-tu, Francis, que ce serait une connaissance désirable? Est-ce un homme distingué? Oh, tout à fait, papa. Nous l'aimons tous depuis le peu de temps que nous le connaissons. Il s'appelle Haliburton. Est-il dans le ministère? Non, mais je crois qu'il compte y entrer. Bien. Je ne puis naturellement rien décider encore, dit M. Tate en partant. Jane, debout devant le feu, réfléchissait, les doigts passés dans ses épaisses masses de cheveux bruns, tout en se regardant dans la glace. Nous n'affirmerions pas qu'elle ne le fit jamais par vanité. Mais ce soir-là, Jane ne songeait pas à elle. Elle prenait une part très active au devoir du ménage, et en ce moment, elle pensait à la peine de plus que lui donnerait l'arrivée de ce monsieur. « Comment tu dis qu'il s'appelait, Francis ?» demanda-t-elle subitement. « Qui donc ? Ce monsieur, votre nouveau professeur ?»« Haliburton. » « Je ne sais pas son nom de baptême. »« Je voudrais bien savoir, » songea-t-elle à haute voix, « s'il usera assez bas que M. Acton. Il y en a toujours tant à raccommoder. Est-ce un vieux garçon, Francis ?»« Un vieux garçon ?» répéta Francis. « Ne va pas t'évanouir quand tu verras arriver un vieux gros petit homme en lunettes vertes. Je ne dis pas qu'il soit assez vieux pour être le père de papa, mais... »« Mais il a donc 90 ans, » soupira Jane. « Comment donc as-tu pu lui parler de venir ? Nous ne tenions pas à voir quelqu'un de plus âgé que M. Acton. »« Comparé Acton à Haliburton, » s'écria Francis avec dédain. « Acton avait à peine 50 ans. »« Il en avait 48, » dit Jane. « Oh, mon cher, comme j'aurais voulu aller ce soir avec Marguerite et Robert, » continua-t-elle en changeant de sujet. « On n'a pas été assez poli pour m'inviter, » dit Francis. « Je le ferai payer à cette vieille dame. » Jane se mit à rire. « Tu deviens trop grand pour être admis dans une réunion de jeunes filles, Francis. Madame Chilham a dit à maman. » Elle fut interrompue par un coup à la porte d'entrée. « Jane, s'écria Francis, je ne serais pas étonné que ce fût M. Haliburton. Il n'a pas dit à quelle heure il viendrait. » Un domestique introduisit le visiteur. Ce n'était pas le vieux garçon décrit par Francis, mais un jeune homme de 25 à 26 ans, au nez aquilin, aux yeux bruns, au teint frais, à la physionomie attrayante. « Vous voyez que j'ai vite profité de votre permission, » dit-il d'un ton cordial, en tendant la main à Francis et en lançant un regard à Jane qu'il salua. « Ma sœur Jane, monsieur, » dit Francis. « Jane, voici M. Haliburton. » Jane oublia pour une fois son calme habituel. Elle était si surprise, si troublée, ne sachant pas si Francis était moqué d'elle, si c'était bien là, oui ou non, M. Haliburton, qu'elle regardait tour à tour son frère et l'étranger. « Êtes-vous M. Haliburton ?» demanda-t-elle enfin avec sa franche simplicité. « Je suis Monsieur Haliburton, » répondit-il en s'inclinant poliment. « Puis-je voir Monsieur Tate ?»« Voulez-vous vous asseoir ?» dit Jane. « Papa est absent, mais il ne tardera pas à rentrer. »« Où est-il allé, sais-tu, Jane ?» demanda Francis, qui étouffait ses rires. « Chez Betty King et chez la veuve Bout. Peut-être ira-t-il aussi ailleurs. »« En tout cas, je vais y aller. » « Jane, tu peux tout expliquer à M. Haliburton pendant ce temps. Dis-lui comment il sera ici et comment nous vivons. Après cela, vous pourrez décider vous-même, monsieur. » conclut Francis. Patauger dans les flaques de boue devait être une expédition des plus agréables, car rien ne forçait Francis à aller chez Betty King. « Je suis bien fâché que maman ne soit pas levée, » dit Jane. Elle est sujette à de violentes migraines, qui l'obligent à rester au lit toute la journée. Mais je vous donnerai tous les détails que vous désirerez. Votre frère Francis croyait que cela ne serait pas désagréable à M. Tate d'en recevoir un étranger dans sa famille, dit M. Haliburton avec hésitation. Cette jeune personne avait l'air si distinguée. La maison paraissait si bien tenue qu'il se demandait si sa question n'était pas offensante. Nous désirons en effet recevoir quelqu'un, répondit Jane. La maison est spacieuse et papa aime la société. Ce sera une autre aide pour notre ménage, ajouta-t-elle avec candeur. Un ami de papa a longtemps demeuré avec nous, mais il nous a quittés au mois d'octobre. « Je me sentirais très heureux que M. Tate voulût bien me recevoir, » dit le visiteur. Jane se souvint de la recommandation de Francis. « Nous vivons très simplement, monsieur, » dit-elle. « Nous avons un rôti un jour, un plat de viande froide le lendemain. » « Je m'estimerais enchanté d'en avoir ma part, » dit M. Haliburton en souriant. « J'étais bien ballotté ces dernières années, mademoiselle. » Et je n'ai pas été entouré de trop de jouissances. En ce moment même, je suis fort mal logé. Je crois que papa aimerait que vous vinssiez, dit franchement Jane. Le visiteur ne lui paraissant pas difficile. Je n'ai ni père, ni mère, ni frère, ni sœur, reprit-il. En somme, je puis dire que je n'ai point de parents, puisque le seul que je possède m'a éloigné de lui. Je pense souvent que ceux qui ont une maison et une famille doivent être bien heureux, ajouta-t-il, en tournant sur elle son brillant regard. Jane laissa tomber son ouvrage qu'elle avait repris. « Je ne sais pas ce que je ferais sans ma chère famille, » s'écria-t-elle. « Êtes-vous nombreux ? Nous sommes 6, papa, maman et nous 4. Je suis l'aîné et Marguerite la cadette, Francis et Robert viennent avec nous. L'école de Marguerite se ferme ce soir. Robert et elle y sont allés, continua Jane, ne doutant pas que ce fait dût intéresser l'étranger. Je devais y aller aussi, mais maman était trop souffrante pour que je puisse la quitter. Était-ce un désappointement pour vous ? Jane baissa la tête comme si elle avait honte de l'avouer. « Ce n'aurait pas été bien de ma part de quitter maman, dit-elle. J'aurai bientôt sans doute un autre plaisir. Maman dort maintenant. »« Quelle charmante jeune fille !» pensa M. Halliburton. « Comme je voudrais qu'elle fût ma sœur. »« Marguerite doit être institutrice, » continua Jane. « Elle a beaucoup de talent pour la musique et le dessin. On trouve rarement les deux réunis. Elle a du goût pour cette profession. Et comme papa n'est pas riche, on a décidé d'en faire une gouvernante. Et vous ?» demanda M. Halliburton. La question pouvait paraître indiscrète, mais l'intérêt seul la dictait, et Jane était trop ingénue pour ne pas répondre ouvertement. « Je ne dois pas être institutrice, moi. Je reste à la maison pour aider maman. Il y a bien à faire. Marguerite déteste le ménage et la couture. Excepté la danse, je n'ai rien appris, à moins que vous ne considériez le français comme un talent. Je suis persuadé que vous avez cependant reçu une bonne éducation, » s'écria involontairement M. Halliburton. « Oh oui, papa a pris grand soin de moi, et c'est encore lui qui me choisit mes lectures. Je sais aussi passablement de latin, » acheva-t-elle, en hésitant. « Mais je ne tiens pas à l'avouer. Pourquoi donc ? Parce que je crois qu'on se moque des jeunes filles qui savent le latin. Je ne l'apprenais pas positivement, mais j'étais toujours présente, quand Francis et Robert prenaient leurs leçons, soit avec papa, soit avec M. Acton, et j'écoutais. M. Acton instruisait souvent Francis. Il avait plus de temps à lui que papa. Francis doit être pasteur. « Mademoiselle Jane, » dit une domestique en entrant, « votre maman est réveillée et vous demande. » Jane s'excusa auprès de M. Halliburton. Presque aussitôt, M. Tate rentra. Il fut un peu surpris à la vue de l'étranger. Son imagination lui avait représenté, sinon un vieux garçon, du moins un respectable professeur d'âge mûr. Serait-il convenable qu'il admît dans sa maison ce jeune et bel étranger ? Si Jane avait été franche avec M. Halliburton, celui-ci ne le fut pas moins avec M. Tate. Edgar Halliburton, fils unique d'un pasteur de campagne sans fortune, avait perdu son père à l'âge de 16 ans. Sa mère était morte peu auparavant, en le recommandant à un de ses frères, à M. Cooper, qui demeurait à Birmingham. M. Cooper, qui était dans les affaires, avait voulu faire entrer son neveu dans le commerce. Edgar avait refusé. Son père avait assez vécu pour former ses goûts. Il avait désiré que son fils se voue au Saint-Ministère, et ce vœu était devenu celui d'Edgar. M. Cooper ne voyait rien au-dessus du commerce. La prédication de l'Évangile n'était pour lui qu'un métier comme un autre. Il s'était enrichi petit à petit, et il voulait que son neveu en fît autant. « Que préfères-tu ? » lui avait-il brusquement demandé. « Vivre comme un des princes de la finance, ou travailler et mourir de faim comme ministre ?»« Je ne suis pas encore prince du commerce, mais toi, tu pourras le devenir. » « Mon père souhaitait que je devinsse pasteur, » avait répondu Edgar. « Son désir est devenu le mien. Je ne puis y renoncer, mon oncle. » La dispute continua, non en parole, mais en obstination, si bien que M. Cooper finit par congédier son neveu en lui disant qu'il n'avait qu'à chercher quelqu'un qui lui payait ses dépenses d'université. Edgar Halliburton alla à Londres et obtint de l'emploi dans une école supérieure comme maître de classique et de mathématiques. Puis il se fit précepteur, il avait réussi à se tirer d'affaires, mais il n'avait pu entrer à l'université. M. Tate, avant d'avoir causé 5 minutes, était si enchanté de son visiteur qu'il l'invita à prendre le thé que Jane descendit faire. « Votre oncle ne s'est-il jamais adouci ? » demanda-t-il. « Jamais. Je lui ai adressé plusieurs lettres, mais elles m'ont été renvoyées. « Il n'a pas de famille, dites-vous, M. Halliburton. Dans ce cas... « Vous devez en toute justice hériter d'une partie de sa fortune. » « A-t-il d'autres parents ?»« Un seul, au même degré que moi, ma cousine Julia. »« Il n'est pas probable que j'hérite un centime. »« Je n'y compte jamais, monsieur. »« Vous avez bien raison, » dit M. Tate en secouant la tête d'un air approbateur. « Il n'y a pas de travail plus ingrat que celui de compter sur les legs. »« J'ai été pauvre ministre, M. Halliburton, pendant 20 ans. »« Et quant à la fortune, je ne le suis guère moins aujourd'hui. » Mais passons. J'avais une parente riche qui n'avait personne de monde que moi. Pendant la plus grande partie de ses 20 ans, je spéculais sur sa fortune, et quand à sa mort, j'appris qu'elle ne me laissait absolument rien, je sentis un peu tard la vanité de mes espérances. Aussi, je recommande toujours à mes enfants de ne pas compter sur l'argent d'autrui. Permettez-moi de vous donner le même conseil. Les yeux et les lèvres de M. Halliburton souriaient en regardant avec respect et reconnaissance le vieux pasteur. « Je n'y pense jamais, monsieur, dit-il, et je ne vous en aurais pas même parlé si je n'avais cru de mon devoir de vous mettre au courant de mes affaires, dans le cas où vous voudriez bien me permettre de venir demeurer chez vous. Je crois que nous nous entendrons très bien, dit franchement M. Tate, oubliant totalement les prudentes idées qui lui avaient traversé l'esprit. « J'en suis persuadé, monsieur, » répondit chaleureusement Edgar Halliburton, et le marché fut conclu.